trouver sur le net. Vous avez la parole, prenez la mondiale. Bienvenue à tous dans cette réunion et merci d'avoir répondu présent. À ce propos, je m'aperçois que je ne connais pas l'objet de cette réunion. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Oui, moi je peux aller me renseigner si vous voulez, monsieur Ranu. Oui, très bien, excellente idée, Nicole. Comme ça, on saura pourquoi on a fait cette réunion. Oui, donc, monsieur Ranu ! Monsieur Ranu ! Oui, bon, Nicole ? Je vais mener mon enquête. Il semblerait que notre réunion n'avait aucun objet. Quoi ? Et plus grave encore, apparemment, nous n'avons aucune fonction dans cette entreprise. Mais enfin, Nicole, c'est impossible. Ça fait 30 ans que je travaille ici. Je m'en serais aperçu quand même. Bon, écoutez, ce que je propose, c'est de faire une réunion pour tirer tout ça au clair. Ok. Je suis désolé. Bienvenue dans cette réunion pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette entreprise. Et d'ailleurs, quitte à se poser la question, est-ce que quelqu'un sait quelle est l'activité de cette entreprise ? Pas con, bien vu, Nicole. Il faut aller enquêter. Oui, monsieur Ranu ! Monsieur Ranu ! Oui, quoi ? Je suis désolé, j'ai une très mauvaise nouvelle. Encore ? J'ai enquêté, j'ai interrogé plus de 500 collaborateurs et personne n'a pu me dire quelle était l'activité de cette entreprise. Je crois que la COGIP n'a aucune activité. Mais enfin, Nicole, c'est impossible. Ça fait 30 ans que je travaille ici. Je m'en serais aperçu, quand même. On va faire une réunion. Ok. Je suis désolé. Bon, apparemment, la COGIP ne sert à rien, comme si elle n'existait pas. Et d'ailleurs, quitte à se poser la question, je me demande si nous-mêmes nous existons vraiment. Ah oui, carrément. Bon, bah allez enquêter. Monsieur Ranu, oui. Je suis désolé, j'ai une très très mauvaise nouvelle. Encore ? J'ai interrogé tout le monde et en fait, c'est confirmé, nous n'existons pas en tant que personne. Mais enfin, Nicole, c'est impossible, ça fait 47 ans que je suis né, je m'en serais aperçu quand même. On va faire une réunion. Ok. Je suis désolé. Bon, on est complètement dans la merde, manifestement, on n'existe pas. Et pire encore, il semblerait que ce qu'on dit n'est en fait pas vraiment ce qu'on dit. Je comprends rien, Nicole. Allez vous renseigner. Monsieur Ranu ! Oui ? Je me suis renseigné, c'est horrible ! Encore ? C'est même encore pire que ce qu'on pensait. Nos bouches seraient en fait doublées par des gens du futur qui nous font dire absolument n'importe quoi ! Mais enfin, Nicole, c'est impossible, ça fait 47 ans que je parle, je m'en serais aperçu quand même ! Oh, Jean-Bernard, c'est horrible, j'ai l'impression que notre monde est en train de s'écrouler ! Écoutez, Nicole, pas de panique, on va faire comme si on s'était jamais posé de questions et tout se passera bien. Mais comment on va faire concrètement ? On va devenir complètement cinglés ! On va faire exactement pareil qu'avant, comme si de rien n'était ! Ok, on va faire une réunion ! Ok. Je suis désolé. Et donc, si on ventile les ratios trimestriels indexés en année 8, les dispositions des normes GJ238 se corrèlent d'elles-mêmes par le truchement des coefficients. Eh bien, à présent, allons manger à la cantine. Super. Ah, tout à fait. C'était vraiment très intéressant. Ce qu'on vient d'entendre, à la base, c'était à la télévision, il y a 20 ans de ça, et ça s'appelait « Message à caractère informatif ». Et là, en l'occurrence, ça s'appelle la réunion de l'angoisse. Et en fait, l'idée, c'était de prendre des images et de doubler ces images en racontant quelque chose qui n'a rien à voir. Super, il y en a vraiment des géniales. Je vous invite vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, à aller voir. Ça s'appelle « Message à caractère informatif ». D'abord, la réponse politique, si vous voulez la mienne, elle est très simple. Elle est que au tarif auquel ce monsieur est payé, celui de son salaire annuel, il me semble, pour le dire très cyniquement, que si ce sont là les seuls risques du métier, ça va. François Cusset, historien des idées. Et encore une fois, la violence que lui inflige, alors pas tout seul, c'est une décision qui est liée à tout un ensemble de processus, à 3000 familles est bien supérieure à celle d'une chemise arrachée, même la peur qu'il a eue. Voilà. Et donc ça nous amène à celle des comportements. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des syndicalistes courtois, des zadistes civils, des étudiants refusant la sélection à l'université qui font des belles phrases et des belles pétitions à présenter au pouvoir plutôt que d'occuper et de salir de leur tag les amphithéâtres, etc. Donc, C'est-à-dire, c'est la façon qu'on pourrait avoir de s'opposer qui nous est, voilà, qui est limitée comme ça aux normes du bien-vivre, du savoir-vivre, du parler et de la courtoisie. Donc voilà, donc avec cette chemise arrachée, on se souvient soudain que le combat social, qu'on nous a euphémisé pendant des décennies en ne parlant plus de lutte des classes, mais de partenaires sociaux, etc., enfin, en camouflant tout ça, existe, qu'il est structurellement présent dans nos sociétés, qu'il est même, vu les mutations du capitalisme, beaucoup plus présent qu'avant. Hein, bah, on parlait aux 3000 familles concernées. Et donc, il est à la limite miraculeux, moi, j'ai envie de dire, que le seul éclat que cette lutte-là, en l'occurrence, ait produit, soit l'arrachage de cette chemise. Hein. De la même manière qu'on pourrait s'étonner, mais c'est une autre question, ça n'a rien à voir, voilà, qu'il n'y ait plus eu, depuis 30 ou 40 ans que l'économie est financiarisée, un seul banquier d'investissement, un seul boursicoteur, un seul patron voyez, de grande place financière, menacé ou assassiné. Cette idée que, que si l'ennemi fonctionne par des machines, qu'elles soient... des pelleteuses pour un chantier ou des algorithmes pour voilà, un engin de recherche, eh ben, il faut essayer de détruire, saboter ces machines tant qu'on peut. Voilà. Ces idées-là, pas neuves dans l'histoire, avouez qu'elles sont plutôt neuves pour les, disons, 40-50 dernières années. Ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vues, et or, elles sont largement partagées par des gens aussi différents que les zadistes, les occupants des places nord-américaines, les apatistes du Chiapas ou les syndicalistes de Corée du Sud. Et ben moi, ça m'intéresse. Je trouve que c'est un signe voilà, peut-être qu'on est en train de tourner une page dans cette longue histoire moderne des rapports entre l'action violente et la contestation. Voilà. Ça va, Benjamin ? T'es un peu loin, mais je veux voir. Ouais, comme ça, t'es tranquille. Tu vois, comme ça, tu peux me mettre dans. Ça te va comme ça, ouais. C'est parti. On peut même le poser sur. Mais non, tu dois le prendre toi aussi, de temps en temps. D'accord. Oui, parce que ça fait un meilleur son, plus proche, comme ouais. Ça. Parce que si je le laisse sur la table, le micro. Voilà, tu vois, j'ai pas encore la possibilité d'avoir du matos super. Mais bientôt, bientôt. Bon. Tu vois mes yeux avec mes lunettes de soleil ? Tu vois mes yeux ? Un petit peu, quoi. Ouais, alors, j'ai peut-être les... Ouais, ça non, va. Mais fais surtout comment... Non, mais fais surtout comment... Toi, tu te sens bien. Il faut d'abord que toi, tu te sentes bien. C'est sûr que moi, je préfère les yeux, mais fais surtout... Mets tes lunettes. Tu vois, masser le dos parce que je... On va te faire foutre. Alors, tu dis que tu te sens bien. Oui, mais si tes lunettes, ça peut te masser le dos en même temps. Hein, tu vois ce que je veux dire. Allez, hop, rencontre avec Benjamin Hainaut, chez lui, dans sa maison. Tranquille, au calme. Moi, j'avais envie de te rencontrer, Benjamin, parce que voilà, ça fait le troisième film que tu fais. Et c'est toujours, enfin, moi perso, ça m'intéresse toujours d'aller voir, tiens, qu'est-ce que tu racontes cette fois-ci ? Alors, on peut rappeler tes trois films. Tu donnes les titres ? D'accord. Alors, il y a eu La jungle étroite en 2013, qui est sorti en 2013. Alors, le sujet, c'est une association d'éducation populaire qui se trouve à Moucron, au cœur de Moucron, près de la gare de Moucron. C'est une association que connaissent bien tous ceux qui s'intéressent au jardinage, puis au jardinage biologique, puis à la permaculture, puis surtout aussi à l'art de s'associer, on va dire. Et c'est une association qui existe depuis 50 ans environ, et qui s'est passionnée pour le jardinage il y a environ 45 ans, et qui a créé un grenier, donc une réserve de semences, une semenceothèque, qui offre plus d'environ 6000 variétés de semences, plus de 6000 variétés de semences. Donc c'est... À ma connaissance, la plus grande biodiversité de la planète, génétique, conservée dans ce lieu en ville, dans une vieille ville décrépite post-industrielle qu'est Moucron. Et bon, il faut être membre de l'association pour avoir accès à ce grenier. Hein. Et donc, il faut participer. Ils achètent en gros les semences. Il y a des sortes d'ateliers cubains tout l'hiver pour mettre dans des petits sachets. Les sachets sont numérotés, répertoriés, tu arrives là-bas, tu es membre, tu ouvres le catalogue, tu choisis dans une des 800 variétés de tomates, par exemple, et tu retrouves le sachet, et c'est vraiment pas cher, parce que c'est acheté en gros, et c'est fait par les membres, donc c'est vraiment pas cher. Donc c'est la biodiversité, l'abondance pour tout le monde. Je dis l'abondance parce que la mentalité là-bas, c'est un peu le contraire de la mentalité fermière, où c'est des fanatiques de la propriété privée, fanatiques du travail, et une vie austère, hein, souvent, malheureusement. Et là-bas, c'est partage. Hein, même le terrain là, a été communisé, a été légué à l'association, leur terrain. C'est l'abondance. Parce que, alors, par rapport au travail, ils prônent des techniques de paresseux intelligents, ce qu'on connaît souvent sous le nom de permaculture, mais tout jardinier bio sait ce que c'est les associations de plantes, c'est déjà être paresseux intelligent. C'est-à-dire, telle plante va chasser les insectes qui menacent la voisine. Donc, c'est la plante qui fait le travail pour toi. Tu vois ? Et du coup, voilà, tu coopères avec les plantes. Par ailleurs, pour la jungle étroite, j'ai suivi un des piliers du lieu qui s'appelle Gilbert, parce que c'est lui qui transmet le mieux le goût, l'énergie de collective. Et aussi. Sacré bonhomme, ce bonhomme. Hein. Ouais, Gilbert, c'était vraiment une des rencontres de ma vie, quoi. Alors Gilbert, c'est pas du tout lui le chef là-bas. Hein, serait plutôt Josine, même un peu dans le couple, quoi. Mais bon, je vais pas. On sait souvent plus complexe que ce qu'on croit, mais bon, quand même. Et les décisions de l'association, c'est collégial. Ils se réunissent, c'est totalement collégial. Juste Gilbert, il parle bien. Il était délégué syndical avant et tout. Il sait captiver un public. Il raconte des histoires qui durent en général 3 minutes, des belles périodes. Toutes ces histoires, il les appuie sur une expérience. Et donc c'est très vivant quoi, ce qu'il raconte, c'est très marrant, il aime bien, il n'a pas peur du conflit, etc. Donc c'est vraiment un mec qui pense, hein, qui réfléchit par rapport aux problèmes de notre époque, d'où sa grosse formule que j'ai mise en exergue sur le DVD, c'est « je préfère bouffer de la merde ensemble que du bio tout seul ». Voilà, c'est génial. Il ne parle pas d'une position de mauvaise foi, de mec qui veut bouffer de la merde, il bouffe plus de légumes, une diversité de légumes 10 fois plus élevée que la surbourgeoise surconscientisée de Hucle qui va dans son épicerie de luxe choisir ses tomates machin et ses avocats machin de surbio surcher quoi. Lui il part d'une plus grande biodiversité, son alimentation est d'une très grande variété, mais ce qu'il rappelle par là, c'est l'essentiel, c'est le partage quoi. Après, parce que sinon, on pourrait faire tout un micro ouvert sur le film. Je finis juste sur l'abondance, en fait. Donc Gilbert, il a fait un jardin, un verger expérimental derrière chez lui. Et donc d'abord, c'était un jardin ouvrier, puis il l'a étendu au terrain vague, etc. Et il y a 2500 variétés de fruitiers. Et l'idée, quand tu vas visiter le lieu, tu te balades là-dedans, et tu es dans un couloir végétal, un labyrinthe qui est comme une jungle, d'où le titre, la jungle étroite, parce que c'est entre les corons et les vieilles usines, quoi. Et tu te balades là-dedans à la bonne saison, tu as des nashis, des kakis, des kiwis, des framboises des jaunes, des framboises de japonaises, des groseilles blanches, des groseilles de toutes les couleurs. Et tu te dis, waouh, mais en fait, ça pousse ici, je pareil chez moi, et les vergers, ça qui est bien, c'est que ça demande peu d'entretien, et c'est l'abondance presque tout le temps, quoi. D'ailleurs, moi, ici, j'en ai fait un de verger où j'ai fait en sorte qu'il y ait des fruits à peu près tout le temps. Ici, chez toi, donc. Hein. Voilà. En achetant avec les fraternités ouvrières, parce qu'ils font des énormes achats groupés d'arbres, parce que c'est quand même cher, les arbres, donc là, c'est à moitié prix. Et par ailleurs, ils ont des cours, ils proposent des cours de greffage. C'est-à-dire, si tu sais greffer les arbres, ça coûte 0 franc, les arbres fruitiers. Voilà. Ça, c'est ton premier film, qui est quand même déjà un peu la marque. Hein, c'est pas n'importe quoi comme film. C'est ton premier film, et moi, je me souviens, bon, on va avancer, hein, mais c'est après coup, quand on voit le deuxième film, La bataille de l'eau noire. Hein, ça se passe à Couvain, ici, par chez toi, quoi, d'ailleurs. Tu peux raconter, hein, voilà. En gros ouais, alors, en fait, je me suis installé ici à 8 ans. Et sur les bords de la vallée de l'eau noire, donc là en face de nous, c'est la vallée de l'eau noire. On ne voit pas l'eau noire parce que c'est un endroit où la vallée est particulièrement encaissée. Ce détail a son importance pour la suite. Et les habitants du coin m'ont dit, mais tu sais, là en fait, cette vallée, elle devait être remplie d'eau. Il devait y avoir de l'eau jusqu'ici, là, au fond du jardin, normalement. Parce que dans les années 70, il y avait un projet, le projet du plus grand barrage de Belgique. Et ben voilà, ça c'est le KU qui vient de passer à Mobilette, c'est un des voisins qu'on voit dans le film, qui va nourrir tous les jours ses sangliers dans les bois. C'est son gagne-pain un peu, c'est un mec qui fréquente énormément la nature, qui adore ça. Mais... Donc les gens du coin m'ont expliqué qu'il y avait le projet du plus grand barrage de Belgique, mais qu'ils ont gagné. Et je dis, ah ouais, ah bon? Pourquoi? Et donc je me suis petit à petit renseigné. J'ai rencontré à ce moment-là une productrice avec qui on s'est entendu Et dans le domaine artistique, c'est que des histoires d'affaires, de rencontres singulières pour collaborer artistiquement avec quelqu'un. La productrice, c'est quelqu'un qui va t'accompagner pendant 2 ans. Et les bonnes productrices, comme Marie, ben c'est comme Marie avec qui je travaille, c'est quelqu'un qui t'accompagne artistiquement, psychologiquement. Enfin, c'est des longues discussions qui débloquent tous les problèmes qu'on rencontre sur un tournage. Donc c'est assez important de s'entendre. Et donc on s'est vraiment trouvé professionnellement. Et elle, je crois qu'elle a plus ou moins, c'est le premier documentaire qu'elle a pris en charge entièrement. Et c'est le premier documentaire que moi j'ai fait seul entièrement et que où je me suis un peu professionnalisé, quoi. Grâce à Marie. Et voilà. Et donc j'ai fait un énorme travail de repérage. Hein. C'est-à-dire j'ai été voir 80 personnes au moins. Qui avait participé à cette lutte contre le barrage. Alors c'était facile parce que c'est en rayon de 5 km autour de ma maison, parce que les deux épicentres de la lutte, c'était Couvain et Pêche, qui sont les deux territoires, les deux communes, enfin avant c'était communes, la ville et le village, où il devait avoir le lac de retenue d'eau de l'eau noire. Donc c'était les gens qui étaient directement concernés. Et c'est eux qui ont agi de manière la plus vigoureuse et victorieuse. Et donc j'ai été voir, j'y allais à vélo ou à pied, quoi, c'était hyper agréable, quoi. Et j'ai été voir comme ça environ 80 personnes. J'ai d'abord été les voir juste un bloc-notes et un crayon. Puis j'ai montré au cinéma de Couvain le premier film que j'avais fait, La jungle étroite, pour bien montrer ce que je faisais. Ouais, quand je fais un film sur quelque chose, j'aime bien et je vais célébrer ce que j'aime bien dans la lutte. Et je leur dis, ce que j'aime bien, c'est que vous avez gagné, je veux que vous m'expliquiez comment. Quand je filme des gens, je veux une confiance absolue. Je leur dis bien, la première chose que je leur dis en général, c'est écoutez, moi je fais pas du striptease, quoi. Parce que le mauvais striptease, c'est quoi? C'est la classe moyenne qui se moque de tout ce qui n'est pas elle. Tu parles de striptease, l'émission télévision? Oui, l'émission vedette de l'RTBF, qu'ils ont même exportée en France. C'est tout ce qui n'est pas la nullité, la médiocrité de la classe moyenne. Les gens un peu trop aristo ou un peu trop prolo, ça c'est des cultures, on va en rire. Sans même que les gens se rendent compte qu'on se fout de leur gueule, quoi. C'est vraiment le pire truc. C'est un bon exemple d'une certaine normalité, comme ça. Tu vois, on rit sous cap, les gens de la classe moyenne, c'est vraiment une certaine normalité. Et donc, moi, clairement, c'est pas ma démarche. Moi, je célèbre ce que j'aime bien dans l'expérience des gens. Voilà. Et je leur dis, hein, vraiment très clairement. Donc, j'ai été voir 80 personnes. Vas-y. Pas mal d'archives aussi dans le film ? Oui, bien sûr, oui, énormément d'archives. Alors, il y a des archives officielles et des archives qu'eux-mêmes avaient produites. Donc des Super 8, etc., qu'on s'est hâté de numériser. On ne les a même pas visionnés, on les a tous numérisés. Et alors j'ai aussi les 6 cassettes BASF de la première radio libre de Belgique. Enfin, je les ai rendues à la dame qui me les avait prêtées. Mais on a tout numérisé. Hein, mais je les ai utilisées que pour ce film-là. C'était ça le deal avec l'anti-barragisme, les gens qui avaient fait la lutte. Donc voilà, si je veux l'utiliser pour autre chose, je dois leur demander. Parce qu'on m'a déjà demandé pour utiliser ces archives-là. J'ai dit, bah oui, pas de problème, mais vous devez aller demander au groupe, comme moi-même je l'ai fait. Quoi. C'était dur, il y a une dizaine de personnes à aller voir, à passer des coups de fil, et en général, il y a pas de problème, hein, mais bon, moi je fais pas, je voilà, moi j'ai été, on me les a prêtés pour un projet, je les utilise pas pour autre chose, quoi. Voilà. Donc ensuite, non, t'inquiète. avançons dans. D'accord. Et donc. Qu'est-ce que tu as envie encore de dire sur ça, parce qu'après. Non, avançons. Hein. Je veux dire, moi, l'idée, c'était de parler de tes 3 films, alors, en tout cas résumer. La bataille de Lenoir. Ce qui était intéressant, c'est que c'était des gens de tous les. C'est une lutte d'habitants. Hein. D'ailleurs, le titre, La bataille de Lenoir, se réfère à la bataille des Marolles, bien connue des Bruxellois, qui était aussi une lutte d'habitants contre un envahisseur qui voulait détruire leur milieu de vie. C'est une lutte d'habitants. Donc, c'est des gens de tous les milieux. Ils se retrouvent, ils luttent contre un ennemi commun et ils se rendent compte de la puissance qu'ils ont en combinant les potentialités, les capacités et les réseaux de chacun. Tu vois, et donc ça faisait d'eux des gens absolument inattaquables, quoi. Et ça m'a appris, ce film-là m'a appris la complémentarité entre des gens de milieux différents, quoi. tu vois, des jeunes engagés politiquement, des gens plus âgés, plus respectables, tu vois, qui font des gens plus créatifs, qui font de la radio, des choses de comiques, c'est important que ce soit drôle dans un mouvement, et des gens plus stratèges, plus militaires, qui font genre un jeune avocat qui était brillantissime, qui élaborait des stratégies pour riposter pied à pied au gouvernement, enfin au ministère des Travaux Publics, donc et qui proposait des actions vraiment efficaces, quoi. Mais c'était pas lui le chef, c'était lui le porte-parole, le leader, le meneur, le stratège, mais c'était pas le chef, il était contrôlé par le reste du groupe. Ça rassure aussi, parce que souvent on a peur de se mêler à des luttes parce qu'il y a des récupérateurs, quoi. Et pendant la lutte, en tout cas, il n'y a pas eu aucun phénomène de récupération. C'est une des raisons pour lesquelles on ne connaît, il n'y a eu aucune transmission de cette lutte-là. C'est que les gens étaient tellement vigilants vis-à-vis de toute récupération politicienne que dès que essayait de tirer la couverture à lui, parlait publiquement du bras, vous savez, moi j'étais au bar, et on leur disait, non, voilà. Et donc, mais du coup, aucune transmission. Et encore, au début, quand je présentais la bataille de l'eau noire, les organisateurs souvent appréciaient que j'amène des anciens anti-barragistes. Et je devais faire preuve de diplomatie parce qu'encore maintenant, ils se surveillent pour voir s'il n'y en a pas un qui va essayer de récupérer. Donc ça s'est bien fini sur ce plan-là, quoi. Ça s'est pas terminé, on sortit de récup, quoi. Donc c'est une lutte vraiment exemplaire dans comment ça s'est passé, ça s'est déroulé sociologiquement, politiquement et dans les moyens qu'ils ont mis en œuvre, quoi. Un usage pertinent, justifié de tous les moyens qu'ils ont employés, quoi. Le film est bien reçu, hein, vraiment, non ? Là, c'est, enfin, je veux dire, par rapport à La Jungle étroite, qui était, comme tu dis, tu te professionnalises là un peu plus, parce que, mais ça n'enlève rien au sujet, hein. Je veux dire ça. Mais en vrai, La Jungle étroite a été diffusée énormément parce que on a fait énormément de dépôts de DVD aux fraternités ouvrières, où c'est de l'achat groupé. Enfin, ils ont en mode achat groupé. Il y a eu pas mal de DVD là-bas. Et comme les membres viennent de tous les côtés, il y a énormément de membres là-bas. Beaucoup de DVD ont été coulés, mais énormément. Et donc, La Jungle étroite est aussi très connue dans les milieux qui s'intéressent à ce sujet-là, quoi, on va dire. Mais et la bataille de l'eau noire, là, c'est... Oui, là, c'est... Bah, moi, je l'ai fait... Je l'ai présenté, c'est sur une des cartes postales qu'on a faites pour le film, je le présente comme un tutoriel d'autodéfense à l'usage des formes de vie. Donc un tutoriel, ça dit bien ce que c'est. C'est une petite capsule audiovisuelle qui t'explique comment faire. Et là, c'est comment faire pour gagner contre des gros projets bureaucratiques. Donc, toutes les luttes qui sont mêlées à des projets comme ça ont adoré le film, quoi. Ils l'ont utilisé directement comme outil. Que ce soit en Belgique contre l'extension d'un zoning industriel près de Liège, à Charleroi contre le tronçon d'autoroute, contre en France à Notre-Dame-des-Landes. J'ai croisé à Bruxelles une nana qui me dit « Ah, c'est toi qui as fait le film, la bataille de l'Eau Noire, je l'ai vu 8 fois. » Pourquoi 8 fois ? T'as posé la question, non ? Superstitieux, là-bas, ils croient aux astres et tout. 8, c'est un chiffre sacré, je crois, chez ces gens. Je l'ai vu 8 fois. Et, ouais, elle était avec des robes safran, comme ça, et tout, pleine d'encens. Ouais. Et puis, là, ton dernier film, Stan et Ulysse, l'esprit inventif, c'est ça ? Ouais. Les anti-barragistes avaient fait toute une gamme d'actions possibles, des actions drôles, des actions méchantes, toute la gamme des actions. Et notamment, ils avaient fait une action symbolique avec... des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient fait un rassemblement devant la chapelle du Maquis, qui est un monument qui est le long de la route qui va de Couvain à Cudessart, et qui est un monument du Maquis qui a opéré dans la région pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc déjà, là j'avais comme archive, j'avais des diapositives qu'on voit dans le film, et après 3-4 personnes témoignent sur le sujet et disent on faisait le lien avec le combat contre un envahisseur, même si c'était pas exactement le même contexte, mais bon, c'était un peu une manière de... En fait, de ce groupe, j'ai su à ce moment-là qu'il y avait des survivants. Et donc, je les ai rencontrés. Comme j'étais occupé pendant 2 ans avec la bataille de l'Eau Noire, mais vraiment à plein temps, quoi, hein, comme il y avait énormément de témoins, énormément d'archives, énormément de tout, j'ai très vite, je me suis dit, il faut très vite sauver leurs paroles, parce que eux, ils avaient déjà 92 ans. Bon, à cet âge-là, tu sais pas si tu passes l'hiver, quoi. Hein, donc, je me suis hâté de. À un moment, quand j'ai pu, j'ai carrément payé de ma poche, parce qu'il n'y avait pas de production, une preneuse de son et un cadreur de pro, et je suis allé 4 après-midi avec la petite idée cinématographique que j'avais, et on a fait quasi tout le film avec ces 4 après-midi, quoi, ce qui était vraiment le travail, autant la bataille de l'eau noire, il y avait énormément d'archives et de témoins, donc la matière c'était tout cuit, elle était là, autant eux, il y avait quoi, les témoignages de deux pépés de 95 ans, quoi, ou 93, mais pareil, quoi. Donc, quand même, un régime de parole, c'est, même s'ils adorent parler de la résistance, ça peut être lassant. En plus, le but du film, moi, c'était de restituer la fougue qu'ils avaient quand ils avaient 20 ans, l'état d'esprit qu'ils avaient quand ils avaient 20 ans. C'est ça qui m'intéresse. Eux, aujourd'hui, à la rigueur, ils ne m'intéressent pas. Si, personnellement, c'est devenu des copains. Ça m'intéresse de savoir leur santé, leur discuter avec leur famille, que je d'aller boire un café chez eux. Ça, tu vois, humainement, je les aime bien. Mais si je suis allé vers eux, c'est parce qu'ils ont lutté contre les nazis. Ce qui m'intéresse, c'est quel est l'état d'esprit qui fait que tu oses lutter contre un état totalitaire. Et vraiment d'une puissance impressionnante. Et donc, c'est ça que je voulais restituer. Voilà. Et donc, tu vois, l'austérité de la matière d'origine, les témoignages de Pépé, et puis restituer la fougue guerrière de Kate qui avait 18 ans, quoi. Oui, il y a le fond, puis il y a la forme, quoi, après, c'est ça aussi, c'est ça que tu discutes, là, maintenant. Voilà, donc, le truc, c'était pas de leur faire dire « Ah oui, à l'époque, nous avions une fougue guerrière ». Là, c'est un métadiscours. Ils parlent de la fougue guerrière, mais tu l'éprouves pas, tu vois. Alors, pour faire eux-mêmes, pour qu'eux-mêmes retrouvent l'état d'esprit de l'époque, parce qu'on est dans une époque où ce qui domine dans la mentalité, c'est le victimisme, depuis 45 ans, c'est les historiens qui le disent, hein. On ne parle que des victimes, surtout sur la Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on parlait des guerriers. D'ailleurs, la production cinématographique au sortir de la guerre, c'est quoi? C'est la bataille du rail, où les cheminots français reconstituent tous les coups d'éclat qu'ils ont fait contre les nazis. Donc c'est joyeux, c'est actif, on célèbre des guerriers, des mecs qui ont pris des risques. Il y en a qui meurent, mais c'est parce qu'ils ont battu. C'est pas des victimes. C'est au minimum, c'est des mecs morts au combat. Bon, ça c'était la version communiste, la version gaulliste, c'était les bataillons du ciel, qui est pas terrible comme film, mais qui célèbre des guerriers aussi. Moi je reprends cette tradition-là, je célèbre des guerriers. Parce que c'est pas en célébrant les victimes qu'on change le rapport de force. On peut dénoncer une situation injuste, hein, en montrant des victimes. Mais une victime qui ne réagit pas ne change pas, ne modifie pas le rapport de force. Limite, elle l'accepte. Donc je vois pas l'intérêt de... Mais bon, aujourd'hui, les gens, c'est une culture générale, comme ça, c'est plus qu'une idéologie, c'est une mentalité. C'est une évidence. Les gens, on interroge une victime, on est sûr de ne pas se tromper, tu vois. C'est comme donner à une ONG de l'argent, tu es sûr de ne pas te tromper. Mais en fait, tu te trompes lourdement, en fait. Parce qu'en fait, tu enrichis les gens de l'ONG, généralement très peu les gens que tu veux aider, et de toute façon, tu ne les aides pas structurellement. Sur ce sujet, il faut voir un film qui s'appelle Enjoy Poverty de Renzo Martin, qui est ce film-là est grandiose sur la question des ONG, quoi. Et cette question-là, plus généralement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer structurellement ce rapport? Voilà, c'est ça la question que pose ce film-là. Donc, restituer l'état d'esprit des guerriers, sachant que depuis 70 ans, on n'a plus vraiment connu de vrais guerriers, quoi. Oh, c'est vraiment des vrais guerriers. Pendant 4 ans, lutter contre les nazis, c'est vraiment des gens qui ont connu la guerre, c'était les derniers, quoi. Bon, il y a eu des gens qui ont poussé la lutte très loin dans les années 70, les luttes politiques, etc. Mais c'était quand même pas à ce point-là. Donc c'était génial, j'étais ému de rencontrer des gars que même déjà quand j'étais petit, c'était déjà un passé lointain. Mais alors là, tu vois. Donc, c'est de paye, je les appelais comme ça. Ils étaient vachement jeunes à l'époque. Hein. Ouais. Il y avait donc ces deux quêtes de Bruxelles. Hein, donc d'ailleurs parfois pour rigoler, je dis oui. Ils ont grandi à Molenbeek et Laeken, et ils ont fait du terrorisme, et ils sont en liberté, hein, aujourd'hui encore, hein, et tout. Et en fait, oui, mais c'est vrai que pendant toute la guerre, j'ai dépouillé toute la presse de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de résistance en Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand tu lis la presse officielle de l'époque. T'as des bandits, des criminels et des terroristes. Alors là, toutes les pages, hein, tout le temps, quoi. Oui, ça, on connaît. Où on se situe, on est terroriste ou résistant. Ça, c'est un vieux classique. Oui, mais tu vois, c'est bien de le rappeler, là. Eux, ils rappellent avec de la manière la plus catégorique, la plus flagrante, quoi. Oui, mais je suis d'accord, il faut le rappeler, il faut le dire, parce que sinon on fait tout pour l'oublier en fait. Il y a des gens, j'entends pas mal de gens, ne savaient pas qu'on les qualifiait de terroristes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors tu lis toute la presse officielle, c'est que ça quoi. Donc, c'est des Bruxellois, ils ont, je crois André il avait 16 ans quand il commence le maquis. Enfin, il commence pas le maquis, quand il fait les premières actions à l'école. Après il est contacté par des anciens des brigades internationales, qui c'est les seuls qui savaient utiliser des armes. Et ils font quelques actions, ils font des que j'ai pas raconté dans le film parce que je pouvais pas tout raconter. Ils participaient à des exécutions dans des cafés, des choses comme ça, des petits sabotages, etc. Puis à un moment ils rencontrent le Marcel Frankson, qui lui était un peu plus âgé, avait 18 ans, était étudiant en médecine à l'ULB. Lui faisait déjà partie, c'était déjà organisé à l'ULB. Il y avait un truc qui s'appelait le comité de surveillance qui faisait du renseignement. Et qui a commencé à faire des actions, du sabotage, etc., contre les Allemands à Bruxelles. Et donc, quand il rencontre Marcel, tout de suite, il comprend que c'est un mec intelligent, puissant. OK, avec lui, les actions vont bien se passer, quoi. Tu vois. Et donc, tout de suite, il intègre son groupe. Et effectivement, le groupe de Marcel, les actions étaient millimétrées, étaient parfaitement organisées. Donc, ils ont fait des hold-up à Excel, de timbres de ravitaillement. Ils ont fait plusieurs hold-up qui étaient réglés comme une horloge, quoi. D'ailleurs, les gens, ils n'étaient pas masqués et les gens leur donnaient, d'ailleurs. Hein, tu vois, ils disaient, OK, résistant, et c'est bon, on leur donnait. Hein. Il n'y avait pas de caméra de surveillance à l'époque. J'avais fait cette objection-là, ils disaient, ah, oui, c'est sûr, aujourd'hui, il faudrait s'y prendre autrement, c'est vrai, etc. Et donc, ils ont fait pas mal d'actions. Puis à un moment, à Bruxelles, les Allemands instaurent le STO, le service du travail obligatoire. Donc tous les hommes adultes devaient aller travailler en Allemagne pour remplacer les ouvriers qui pouvaient devenir des soldats pour l'Allemagne. Pas mal d'hommes refusent d'aller travailler en Allemagne, donc ils se cachent. Donc les Allemands les cherchent. Puis, comme ils avaient commencé à chasser aux Juifs, il y a des Juifs qui se cachent aussi. Donc hop, il y a beaucoup plus de contrôle à Bruxelles. Il y a des checkpoints un peu partout. Donc ça devient très compliqué de faire la guérilla urbaine à Bruxelles. Donc ils décident de s'installer dans un maquis. Ils vont dans un premier maquis à Manet qui se fait attaquer par les Allemands, parce qu'ils avaient commis une erreur. Je sais plus, c'est près de Marche. Ah, voilà. C'est près de Marche, Manet, c'est près de Marche en Famenne ou Marche en Ardennes, je ne sais plus très bien, c'est en Ardennes. Ils commettent une erreur de sécurité, et donc ce premier camp de résistance de maquis se fait attaquer et heureusement il n'y a qu'un mort et une prisonnière, mais les autres réussissent à s'échapper. Malheureusement, les Allemands tombent sur la valise avec le plan machiavélique qu'ils avaient, où ils voulaient détruire les 12 stations de pomperie, c'est-à-dire c'est les stations avec les grues à eau là, qui remplissaient les locomotives d'eau. Parce qu'à l'époque, une locomotive ne pouvait pas traverser toute la Wallonie sans se faire ravitailler au moins une fois en eau. Donc si tu détruisais tous les points de ravitaillement en eau, tu paralysais tout le système ferroviaire. Et c'est une action typique de l'intelligence propre aux maquisards, c'est une guerre asymétrique, ils ont peu de moyens, donc ils cherchent le point faible, le talon d'Achille de l'ennemi. Et là, c'était le talon d'Achille du réseau ferroviaire, c'était les stations de pomperie. Donc ils détruisaient les 12 stations la même nuit, et tout était paralysé pendant des semaines et des semaines, parce qu'ils savaient par ailleurs qu'il y avait très peu de pièces de rechange. Et ça, en fait, c'est le père de Marcel qui avait élaboré cette action, parce que le père de Marcel était ingénieur des chemins de fer. Et c'était un mec, un grand bourgeois, mais résistant, quoi. Tu vois. C'est un gars, le père de Marcel, qui avait eu une correspondance avec Francisco Ferrer. Qui est un instituteur espagnol qui a voulu, disons, imposer la laïcité à l'école et qui s'est fait sanctionner lourdement par l'institution catholique en Espagne. Donc c'est le héros des laïcars. Donc à l'ULB, avenue Franklin Roosevelt, il y a une statue de 8 mètres de haut qu'on dirait sculptée par Arnaud Becker sur l'avenue Franklin Roosevelt. Donc une statue avec un mec avec un torse musclé et un poing levé en haut. Vraiment, on dirait un truc pour les jeux. À poil, non ? Je me souviens plus, tu sais, moi je regarde pas. Moi je passe régulièrement, c'est pour ça que ça m'intéresse. Il est à poil, je pense, avec un bras levé. On voit tout son cœur. Il y a moyen qu'il soit totalement à poil, je me souviens plus. Parce que j'avais tourné autour pourtant pour essayer de le filmer, mais quand je voulais parler de ça. Et donc, il y a plusieurs auditoires qui s'appellent Francisco Ferrer. Bon, c'est le dieu de l'ULB, quoi. Et donc, le père de Marcel avait organisé des manifestations en faveur de Francisco Ferrer, avait entretenu une correspondance avec lui. Donc, c'était quelqu'un d'engagé. Et donc, il y avait, quand Marcel et ses potes de l'ULB étaient venus le voir, ils avaient dit, tu sais, on aimerait bien faire quelque chose contre les Allemands. Tu dis ça à tes parents aujourd'hui, ils vont dire, oui, non, on ne te met pas en avant, hein, nanana et tout. Le père de Marcel, il a dit, ouais, d'accord, ok. mais pas des enfantillages. Hein. Genre, pas des petits graffitis sur les pubs des nazis. Hein. Non, ça c'est... Et donc, hop, il sort sa mallette avec le plan « Les 12 stations de Bombrie ». Et donc, ils étaient à deux doigts de le faire. Ils avaient contacté ils étaient proches du réseau de l'armée belge des partisans, qui était plutôt communiste, mais pas que. Et QE avait des explosifs, hein, parce qu'il y avait des ouvriers carriés dedans et tout. Donc, ils avaient déjà accès aux explosifs. Donc, ils étaient sur le point de le faire. Le premier camp se fait attaquer. Alors, à ce moment-là, ils s'installent ici, dans la région de Chimay-Couvin, une région qu'on appelle la Thiérache. Et ils s'installent ici à la demande de la résistance locale. C'est important parce que si t'es pas soutenu par la population, ton maquis ne tient pas très longtemps, quoi. Donc là, ils étaient, grâce à la résistance locale, ils bénéficiaient d'excellents renseignements et ils bénéficiaient d'une excellente logistique. Donc ils mangeaient comme des rois et quand ils frappaient, ils savaient où ils frappaient et c'était tout le temps efficace, quoi. Et comme c'est une guerre, en fait, c'est une guerre. Ils appellent ça la guerre subversive. Ils ont publié un livre qui s'appelle Chronique de la guerre subversive, qui est maintenant en ligne au CEGES. J'ai insisté pour qu'il soit réédité. CEGES, c'est quoi ? Le CEGES, c'est Centre d'études de la guerre, de l'économie, de la société, un truc comme ça, qui est plutôt spécialisé. C'est des historiens d'État, hein, ça dépend des archives du royaume. Et c'est des historiens officiels, quoi. C'est des gens qui sont invités à l'RTBF, genre Alain Le Collignon, je crois que c'est un peu le plus connu. Voilà, j'ai insisté auprès du groupe qui assurait la mémoire du groupe de ce groupe de résistants, parce que je voulais que leur version des faits soit accessible. Parce que moi, je leur ai dit dès le début, voilà, moi, je fais du cinéma d'auteur, donc c'est un point de vue sur le réel. Je ne vais pas faire votre histoire de façon exhaustive avec les dates ou avec les dates comme un historien. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas historien, je suis un artiste. Non, mais je suis pas un artiste, non, je ne vais pas m'auto-insulter, mais... Benjamin, quoi. Disons que c'est un point de vue, voilà, c'est un point de vue d'auteur, donc c'est un certain point de vue. Donc, voilà, je ne voudrais pas que mon point de vue soit réducteur, donc je voudrais que votre version des faits, au moins, existe, soit accessible. Parce que leur livre est introuvable. Après, ma version ne les a pas gênés, hein, mais j'ai insisté sur des choses sur lesquelles ils n'auraient peut-être pas insisté. Mais, comme quoi, par exemple ? Les moments conflictuels, avec les autres groupes de résistants, notamment avec les militaires qui étaient dans la clandestinité, qui étaient tout à fait inadaptés à la clandestinité, parce qu'ils avaient un mode de fonctionnement disciplinaire et hiérarchique. Or, quand tu fais de la guérilla où il faut faire preuve d'initiative, d'avoir un esprit d'initiative, avoir de la créativité, avoir de la confiance, avoir de la, tu vois, savoir combiner, quoi, avec, c'est une guerre impure. T'as tout le temps, tu dois combiner, tu dois bricoler, c'est une guerre artisanale. Tu vois, de petits groupes, tu dois bien t'entendre pour faire des actions très audacieuses. D'ailleurs, même les groupes de commandos, les commandos spéciaux de pas mal d'armées fonctionnent comme les maquisards. Hein. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils appellent la hiérarchie horizontale. C'est-à-dire, ils discutent avec tout le monde avant de se lancer une action. Parce que des actions où tu dois pas attendre l'ordre, il y a des actions que tu fais, ça doit être fulgurant. Pourquoi se mettre tous d'accord, c'est important, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de coups dans le dos ou des choses comme ça, ou qu'on soit tous à l'unisson, donc plus fort, quoi. Voilà, d'abord, tous à l'unisson, tous d'accord que sur les risques, de bien connaître les conditions aussi de tous les tenants et les aboutissants de l'action pour pouvoir rebondir là-dessus à un moment, pour pouvoir improviser, savoir, tu vois, sans devoir attendre des ordres. Surtout, tu n'y vas pas parce que tu obéis à un ordre, tu y vas parce que tu connais les risques, tu connais les conditions. Et tu es prêt à y aller, tu sais sur quoi tu peux rebondir, et comment te replier, comment modifier le... Tu es beaucoup plus efficace comme ça que une troupe de troufions, quoi, je veux dire, qui obéissent. Enfin, ça marche dans les guerres symétriques, ça. Mais dans les guerres asymétriques telles que celle-là, il faut faire preuve d'initiative. Et donc, les militaires, par contre, eux recevaient les plus belles armes, les plus beaux explosifs de Londres. Les gouvernements leur envoyaient des armes aux militaires clandestins. Mais ils n'en faisaient pas usage. S'ils attendaient les ordres. Et les ordres, en gros, c'était de soutenir, d'attendre que ça redevienne un conflit symétrique. Donc quand l'armée américaine allait amener le front ici, à ce moment-là, ils auraient un peu attaqué sur les arrières, ici en Belgique. Après le débarquement, lorsque les alliés auraient amené le front ici, ils auraient un peu attaqué les Allemands à l'arrière. Mais comme ils ne voulaient pas combattre avant, parce qu'on leur avait dit de ne pas combattre avant, ils n'auraient eu aucune expérience, donc ils auraient été certainement très inefficaces. Et par ailleurs, à l'inverse, eux, les maquisards du groupe D, ne recevaient quasi pas d'armes, pas d'argent, pas de moyens de Londres, Parce que, alors, d'une manière générale, les gouvernements se méfient des civils, des civils armés. Les gouvernements veulent des gens armés à leur service, qui leur obéissent. Donc ils se méfient des civils, donc première raison. Et la deuxième raison, dont parlent les maquisards dans le film, hein, c'est que le gouvernement les soupçonnait d'être communistes. Alors, ils n'étaient pas du tout communistes. Marcel, qui était un peu le leader du groupe, un peu l'intellectuel du groupe, lui, c'était la tendance libérale-progressiste. Donc, ce n'est pas exactement communiste, quoi. Attention, libéral-progressiste, au 19e siècle, ça voulait dire autre chose que ce n'est pas les ultra-libéraux d'aujourd'hui. Hein. C'est des mecs qui ont des valeurs humanistes, un peu de privé, un peu de public. Enfin, tu vois, c'est un truc... Ce n'est pas l'ultra-libéralisme aujourd'hui, hein, ça n'a rien à voir. Mais enfin, bon, ce n'est pas ma tendance, mais disons que c'est quand même différent, quoi. C'est important que tu le dises, ça, parce que, évidemment, parce que, sinon, on s'y perd. Non, ouais, comme c'est comme l'anarchie, tu vois, je veux dire, au 19e siècle, bon, bah, c'est un système politique parmi d'autres. Élisée Reclus, le fondateur de l'Université Libre en Belgique, c'est un grand bourgeois, tu vois. Et voilà, il a une conception de la société qui est anarchiste. Élisée Reclus est le fondateur de l'université, c'est ça que tu dis ? Ah, mais non. Mais si. Alors, l'Université Libre, qui a... Mais oui. Mais pas telle qu'elle est devenue, parce qu'à un moment, il y a eu une scission, et la véritable Université Libre, on va dire, s'est installée à un endroit, et ça a été repris par des gens... Là, tu m'apprends quelque chose, parce que je vois très bien, ils disaient reclus, quoi. Enfin, c'est assez dingue, ça. Si. Alors après, c'est pas l'Université Libre de Bruxelles n'est pas du tout dans l'état d'esprit d'Élisée Reclus, mais au début, l'Université Libre, c'était dans cet état d'esprit-là, tout à fait. Bon, Benjamin, sinon on s'y perd et... C'est une bonne émission à faire, ça, bien sûr. Mais continuons parce qu'il y a un timing, il y a un temps, on ne peut pas parler comme ça jusqu'à l'infini. Et tant mieux parce que ça nous oblige aussi à aller un peu à l'essentiel. Donc tu as trois films et ces trois films, c'est vraiment chaque fois un peu des films, comment on pourrait dire, tu sais, qui essayent de montrer que les gens, qui essayent, je ne sais pas si c'est le bon mot, qui montrent quand même des gens... qui veulent faire autrement, en tout cas ton dernier film, hein, enfin, quand il s'agit du premier, de montrer un vieux et sa vieille qui, depuis les années 70, se débrouillent dans leur jardin, font un jardin hors norme, hors compétition, enfin, tu vois, qui se prennent vraiment en main là-dedans, ça existe, quoi. C'est là, tu montres que c'est possible. Le deuxième, la bataille de l'eau noire, un collectif... qui aussi se laissent pas faire, ils veulent pas du barrage, hop, ça marche, ils ont réussi. Et puis maintenant, deux résistants qui expliquent comment c'est possible de résister. Mais là, il y a aussi du coup cette histoire d'armes, parce que dans ton document, on voit ces pays qui sont là avec leurs grenades, leurs fusils. En fait, globalement, cette société est néfaste. Je veux dire, c'est pas moi qui publie les chiffres de disparition des insectes et du nombre de cancers qu'il y a. Donc, sur tous les plans, les bénéfices. Donc, par exemple, en alimentation, les Belges, trouver de la nourriture saine, c'est hyper compliqué. Soit tu es richissime, tu vas dans le resto de luxe qui se fournit chez un petit jardinier en général, hein, bio, et soit donc tu es richissime, tu as des produits de luxe, soit tu fais toi-même ton potager. Et si tu le fais avec d'autres, et t'achètes en commun et tout, bah tu le fais en plus pas cher et c'est joyeux. Voilà, ça c'est une manière une piste désirable pour moi, tu vois. Et j'ai fait des potagers collectifs, j'ai fait des dépôts de paniers et légumes, etc. Et c'est ça qui m'a conduit aux fraternités ouvrières avant de faire des films. Hein. C'est Philippe Simon, un copain cinéaste, qui m'a amené là-bas, qui a dit tiens, est-ce qu'on ferait un film ensemble, tu vois. C'est comme ça que je suis devenu cinéaste. Sinon, j'y allais pour le goût de l'autonomie, quoi, tu vois. Même faire du greffage, c'est même la tension des fraternités ouvrières, c'est l'autonomie pour tout le monde, tu vois. Parce que quand tu es autonome, tu es résistant. Tu vois, si tu dépends entièrement des supermarchés, ben quand ils ferment le supermarché, mais tu es dans la mouise totale, quoi. Si tu as un potager, mais c'était le cas les ouvriers dans les grèves, quand ils avaient un potager, ils tenaient longtemps. Et même quand l'usine fermait et délocalisait, ils n'étaient pas malheureux. Les gars qui avaient un potager, ceux qui n'en avaient pas, souvent ils devenaient alcoolos et tout, parce que tu es complètement désœuvré. Un potager, tu n'es jamais désœuvré. C'est toujours agréable et utile, hein, tu nourris ta famille avec des trucs de qualité, c'est gratifiant, quoi. Bon, voilà, après, si des gens ne veulent pas que tu aies ton potager, l'attaque, tu vois, il faut savoir le défendre. S'ils veulent faire un projet de barrage pour que ça serve aux industries, à refroidir l'eau des industries, ils vont noyer ta vallée où tu vas chercher ton bois, c'est le cas ici, tout le monde va chercher son bois dans la vallée. S'ils veulent te la noyer, la vallée, il faut savoir te défendre contre ce monde-là. C'est ce qu'on fait les gens contre le barrage. Donc ça m'intéresse, les moyens de se défendre. Les moyens populaires de se défendre contre des pouvoirs injustes, quoi. Alors après, la pointe la plus extrême de cette résistance-là, c'est contre un État totalitaire qui s'installe et qui te prive de toute liberté politique, etc. C'était le pouvoir nazi. Donc là, il faut prendre les armes. Voilà, et là, ce serait intéressant d'un peu aller en profondeur, parce que c'est un peu... C'est compliqué aujourd'hui parce qu'il y a une tendance comme ça, bah, quand on parle des armes à feu en Amérique, hein, tu sais, avec le port du permis qui est permis. Et toutes ces questions qui sont là, waouh quoi. Bon, moi, j'ai jamais utilisé. Si, je me suis entraînée quand j'étais petite fille avec des carabines à plomb, des choses comme ça, parce que j'étais un peu dans cet univers-là aussi. Mais sinon, c'est pas bien l'arme à feu, hein, c'est vu aussi comme ça, quoi. Moi, si j'étais un pouvoir et que je voulais le conserver, je ferais en sorte que les gens pensent ça. Que les armes à feu, c'est pas bien. Comme ça, je conserve le monopole de la violence. Et le jour où tu gesticules, c'est moi qui ai l'arme. Et donc, c'est moi qui reste le plus fort. Ça, les gens l'oublient parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus été dans ces situations comme ça. Voilà, André et Marcel, qui ont 93 ans, qui étaient dans une situation où tu n'as plus aucun droit. Même si tu as du fric et que tu prends un avocat, rien. En face, ils ont les armes, ils te disent ta gueule, ils te mettent dans le train ou ils te tirent dessus. Donc voilà. Et toutes les luttes, ça finit comme ça, quand tu regardes bien. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des effusions de violence. Hein. Mais les gens, ils sont... comme depuis 70 ans, on a pu dû se défendre. Moi, je suis la première génération qui n'a jamais touché une arme parce que je n'ai pas dû faire le service militaire. Donc, c'est une terra incognita. C'est soit ça suscite, soit comme tout ce qu'on ne connaît pas, hein, les étrangers, trucs comme ça, soit c'est le fantasme absolu, ah c'est génial, soit c'est l'effroi absolu, ah, c'est les étrangers, ils sont tous des violeurs et ils nous volent notre boulot, et les armes, c'est dangereux. Hein. Et des films comme celui de Michael Moore contribuent à ça. Les armes, c'est dangereux. Aux États-Unis, il y a des. Oui, ok, mais en Suisse, qui est à 300 bornes d'ici, tout le monde a une arme de guerre à la maison. Alors. Je ne dis pas que la Suisse est le modèle absolu, mais idéal, mais je dis juste, tiens, il y a un autre exemple près de chez nous où c'est le contraire de ce que raconte Michael Moore. D'ailleurs, même dans son film, Michael Moore va au Canada où ils ont autant d'armes, où il n'y a pas autant d'homicides. Donc... Mais la question, c'est pas vraiment, enfin pour moi, c'est pas vraiment avoir une arme ou pas. La question, c'est comment on fait pour se défendre contre un État totalitaire, quoi, voilà. Et comme tu dis, on a tellement oublié tout ça, parce que ça fait longtemps qu'on a plus dû se défendre, se battre. C'est vraiment une vraie question. Et paraît-il, dans l'histoire, oui, il y avait Martin Luther King, hein, cette espèce de homme de foi. Ben, à un moment donné, il a dit oui, allons vers cette violence, puisque de toute façon, en face de nous, il y a de la violence. Sinon, tu te fais buter comme ça sans problème, mais il y a plus le rapport de force, il est vite fait, quoi. Voilà. C'est vraiment cette question-là, moi, qui m'intéressait, de me dire tous les combats qui ont été menés, tu vois, tous les acquis, tous les conquis sociaux, toutes les luttes dans l'histoire, ça s'est fait à coup de violence, quoi. Et on voudrait aujourd'hui absolument pas qu'il y ait de la violence. Exactement. Voilà. Non, moi, j'aime pas les effusions de violence, tu vois. Non, mais moi non plus. Voilà. Non, mais parce que les gens, tout de suite, c'est violence. Arme égale violence. Alors, c'était drôle, c'était que j'ai entendu sur France Culture une réalisatrice qui disait « Moi, il y a une révolution que j'aime bien, c'est la révolution des œillets au Portugal, parce qu'il n'y a pas eu de violence. » Oui, mais en fait, tu regardes d'un peu près, plus près, là, c'est quoi la révolution des œillets? C'est des mecs, des universitaires qui étaient des gens un peu qui étaient à l'armée, qui étaient donc gradés capitaines, qui ont été se battre en Angola, dans la colonie portugaise, et qui ont dit non, mais on veut changer de régime, nous on veut plus être un État agressif, nanana, on est communiste, socialiste, on veut créer un État socialiste, on a marre de ce gouvernement débile, voilà, on veut le renverser, et ils viennent, ils débarquent dans la capitale, avec des chars, avec leurs potes qui sont d'accord avec eux, et ils sont militaires, quoi, ils ont des armes. En face, le gouvernement dit, putain, là, ils sont nombreux, ils savent se battre, si on dit non, là, ça va être la guerre civile, et le sang va couler, ils ont l'air bien déterminés, quoi, les gars, et le peuple les soutient. Donc, ils ont dit, ok, c'est bon, vous avez gagné. Donc, il n'y a pas eu d'effusion de violence, mais ils maîtrisaient les moyens de violence. Voilà, voilà. Et c'est ça la différence. Et donc, moi, je suis pour la maîtrise des moyens de violence, mais tout le monde est pour ça, en fait. Parce qu'il y avait Gandhi aussi. Hein. On dit que Gandhi est un homme qui a mis en place... comment ça s'appelle le terme? Je ne sais plus. La non-violence. Ben voilà, la non-violence. Et comme tu le rappelais lors d'un entretien qu'on a eu il n'y a pas tellement longtemps, oui, Il y a cette idée de non-violence, évidemment. C'est une idéologie, la non-violence. Tu lis toutes les définitions sur Wikipédia. Le premier mot pour décrire la non-violence, c'est que c'est une doctrine. Doctrine, c'est-à-dire c'est une idéologie. Ce n'est pas basé sur l'expérience ou sur des faits établis, vérifiés historiquement. C'est une doctrine. Ce n'est pas Gandhi qui a chassé les Anglais. Il y avait plein de groupuscules terroristes, nationalistes. Les Anglais ont choisi Gandhi parce que c'était le plus civilisé, qui avait étudié, qui était avocat, etc., pour discuter avec, tu vois. Et c'est lui c'est son nom qu'on a retenu. Mais c'est faux. Par ailleurs, l'Empire britannique était affaibli par deux guerres mondiales. Donc il a fallu un paquet de violences pour affaiblir ce sale empire, quoi. Hein ? Et c'est pas Gandhi qui est venu en disant « Non, mais peace, mec, arrête, quitte l'Inde, s'il te plaît, c'est trop, trop cool. » Faux. Ça, c'est un mensonge historique. Martin Luther King, autre mensonge historique. Mais il convient à la mentalité d'ici. C'est pour ça qu'on les prend, tu vois. Que ça convient à notre lâcheté, quoi, notre hypocrisie, quoi. Et donc, Martin Luther King, faut lire, il y a des témoignages des gens des droits civiques, donc du parti de Martin Luther King, qui disent « Tu sais, avant, on faisait des manifs, des sittings, des trucs dans le... On boycottait, il y avait rien, il se passait rien. Ça bougeait pas, les lignes ne bougeaient pas. » Mais par contre, chaque fois qu'il y avait une émeute des Black Panthers, on nous invitait tout de suite le lendemain à l'administration, quoi, pour discuter. Et là, ça avançait, c'était un soudain, tu vois. C'est bien de négocier, mais si t'as pas une menace derrière, tu n'as rien. Et donc, Martin Luther King n'aurait jamais osé dire du mal contre les Black Panthers, tu vois. Après, il faut pas sombrer dans la violence. Ça, c'est une autre erreur. C'est un risque grand, surtout les gens qui ont pas l'habitude de la violence, ça peut être enivrant, etc. Et tout, donc ça faut éviter. Mais si tu n'as pas les moyens de faire peur à ton ennemi, c'est l'expérience de base, n'importe quelle bagarre avec un mec, si d'emblée tu lui dis « Excuse-moi, je suis faible et tout », il va dire « Ok, je prends ta bagnole sans violence alors ». Par contre, tu écartes ta veste, tu montres ton gun qui dépasse, là, il va se calmer, quoi, tu vois. Ou si t'es hyper musclé, tu le regardes dans les yeux et que tu mets tes mains dans une position qui comprend que tu maîtrises un art martial, c'est pas sûr qu'il y aura de la bagarre, quoi. Et s'il y a une bagarre, tu vas le battre, puisque tu t'es entraîné pour que ça se passe bien pour toi. Mais donc ça crée surtout du rapport de force. C'est ça que ça raconte aussi, quoi. Et qui peut être fait sans armes, hein, tu vois. Il y a mille moyens de lutter, tu vois. Mais s'interdire une partie de la gamme, de la palette de lutte, mais t'es sûr de perdre. Si en face ils le savent, mais ils te rironnent, et puis c'est tout. Oui, s'interdire sous couvert de c'est pas bien, sous couvert de toute cette idéologie qu'on t'a foutu dans la tête depuis plein d'années pour dire tu vois. C'est vraiment, en fait, les gens se rendent même pas compte à quel point ils s'auto-méprisent. C'est-à-dire, ils disent non, moi, une arme jamais parce que c'est dangereux. Donc, toi, tu te sens pas assez responsable pour avoir une arme, tu vois. Par contre, tu croises des flics et des militaires qui sont 10 fois plus cons que toi. Tu vois, je veux dire, moins d'études, moins de... Donc, c'est-à-dire, les mecs qui font des longues études sont des irresponsables, au fond. Comme des enfants, on leur donne pas des allumettes, tu vois, parce qu'ils vont mettre le feu à la maison. C'est le même raisonnement, c'est... Les citoyens, on leur donne pas des armes parce qu'ils vont s'entretuer, comme dans les films de Michael Moore, hein, tu vois. Après, il y a un autre truc important, c'est... D'abord, en Belgique, il y a plein d'armes, il y a 600 000 armes, il n'y a pas de massacre, tu vois. Quand tu dis qu'il y a 6 ans, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis... Les gens qui ont des armes, il y en a tout plein. Moi, j'ai plein de voisins parce qu'on est à la campagne, c'était des fermiers. Tous les fermiers avaient une arme, pas une arme de guerre, mais une arme pour aller chasser. Mais si tu attaques leur territoire, tu menaces leur territoire, comme c'était le cas dans le cas de la bataille de l'Eau Noire. Quand ils ont lutté contre le barrage qui allait engloutir la région qu'ils aiment, là, ils ont sorti leur arme. Et ça avait son petit poids psychologique. Je te garantis que j'ai interviewé les ingénieurs, ils faisaient dans leur froc, quoi. Donc, c'est un argument supplémentaire. Et ils n'ont tué personne. Mais ils ont tiré dans les engins de chantier qui étaient là. Donc les mecs, ils arrivent le matin. Tu as tes engins de chantier où on a tiré des coups de feu en l'air quand tu travailles de nuit dans les spots. Ben ok, tu te calmes là. T'as plus envie de venir, quoi. Et donc c'est un argument. Les armes chez les gens en général, tu vois, le problème c'est quand, et aux États-Unis c'est ça, c'est des petits quêtes fanatisés qui achètent une arme sur Internet, c'est ça, c'est le libéralisme le problème. Quand les armes sont intégrées dans une communauté, avec ses valeurs, ses usages, c'est réglé. Les fermiers, l'arme c'est pour l'hiver quand il y a moins de boulot, tu te promènes, c'est des armes à petit gibier en général, et tu chasses le gibier parce qu'il mange ton maïs, c'est ce que me disait mon grand-père fermier, parce qu'il mange notre maïs, on a bien le droit de prélever quelques lapins. Mais si tu attaques la région pour qu'il n'y ait plus de lapins dans la région, ils vont se battre les mecs. Tu vois, donc, et ils feront jamais, un fermier ne va jamais faire un hold-up ou un massacre. Tous les autres fermiers leur feraient la tête, tu vois. Ça se fait pas. Tu vois, il y a une culture qui entoure l'usage des armes, très précise. Une initiation. À 15 ans, tu inities les garçons plutôt, parce que c'était comme ça chez eux. Mais pour l'initiation des filles. D'ailleurs, en Suisse, ils veulent que les femmes fassent le service militaire, ce qui est logique. Si tu veux l'égalité. Oui, enfin, en tout cas, moi, l'arme pour avoir une arme, je ne sais pas, parce que mon voisin, j'habite aussi la campagne, je t'explique vite l'anecdote. Il y avait une fête chez moi. Écoute, non, mais c'est pour discuter, parce que ça fait un peu comme si. Eh bien, mon voisin, j'habite aussi la campagne, c'est ce que je disais. Il y avait une fête chez moi, une vingtaine de personnes, ça faisait du bruit, machin, bazar. Et pour régler, je simplifie l'idée, hein, mais ça s'est passé comme ça. Pour régler le silence, il en avait marre, le bonhomme, parce que ça faisait deux jours que c'était la fête. Il a pris son arme et il a tiré trois coups en l'air et boum, parce que c'était tous des urbains. Ils étaient tous refroidis, quoi, tu vois. Moi, ce que je veux simplement dire en disant ça, c'est que. T'as sorti ton arme à ce moment-là, quoi. Direct, toi, t'as sorti ton gun, quoi. Tu as dit, vas-y, tire. Non, mais moi, ça m'intéresse d'avoir. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de changer cette espèce de... Tu sais que t'as une arme, ça fait rapport de force, ta gueule, c'est rapport de force animal. Non, mais attends, ce que je veux dire, c'est que ce serait tellement bien dans un autre monde de pouvoir imaginer d'autres rapports. Mais j'ai l'impression que dans notre monde, tu vois, où c'est la guerre qui domine, où c'est la loi du plus fort, ce n'est pas que ça, évidemment, mais c'est celle-là qui est mise en avant. Il faut avoir les mêmes armes que celui que tu as en face pour aussi lui fermer sa gueule et imposer une autre manière de faire. Voilà, j'ai l'impression que... Mais... Déjà, tu vois, l'expérience de André et Marcel, donc Stan et Ulysse, les deux anciens maquisards, elle est intéressante parce que je montre bien dans le film la différence de manière de faire la guerre. Tu vois, moi, je pense que la guerre, t'es obligé de la faire. Toute communauté est une communauté de destruction. Ça, réfléchis bien à ça, tu vois. Attends, tu as trop... Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Tu as un certain nombre de valeurs, là, en Belgique, tu vois. Tu penses que la charia, c'est pas bien, par exemple. Tu voudrais pas qu'on t'impose la charia, par exemple. Hein. Je donne un exemple, hein. Je faut être plus nuancé, c'est pas tous les musulmans veulent pas la charia, etc. Mais pour l'instant, t'as une armée, des gens très lourdement armés, qui attaquent les gens qui veulent imposer la charia. C'est-à-dire, les F-16 lancent des missiles sur des islamistes, voilà. Donc, avec tes impôts, donc toi, tu soutiens la guerre, tu vois. Donc, il faut arrêter de dire « je suis contre la guerre », tu soutiens la guerre. Tu paies les soldats qui patrouillent dans... Alors, je suis contre tout ce truc-là, tu vois. Mais c'est un fait. Notre société est défendue par des gens armés, par des armes, et lourdement, et beaucoup, et en plus, c'est toi qui les paies. Donc, les gens qui me disent « je suis contre les armes », ils me font juste marrer. Et s'il n'y avait pas les soldats, hein, quand il y a des attentats... Alors là, c'est marrant, quand il y a les attentats, ils se réfugient où, les gens, dans l'immédiat? Derrière les flics. Ils ont applaudi les CRS à Paris, les CRS pleuraient sous le casque. C'est ça que tu veux. Si tu veux la paix, si tu veux un monde sans armes, quand il faudra te défendre, tu te réfugieras derrière les mecs qui te défendent. Et pour l'instant, c'est les plus cons. Les armées, c'est les mecs les plus cons, les gens armés. C'est les mecs de droite, c'est les bijoutiers, c'est les fermiers, c'est les machins, c'est les militaires, c'est les flics. C'est tout ce que t'aimes pas, tu vois. Donc, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, quoi. Donc, je veux bien... Mais moi, avec les gens autour de moi, j'essaie d'avoir des rapports non violents, bien sûr, avec les gens, tu vois, avec mes voisins, mes amis, etc. et tout. Mais je fais pas comme si il y a des moments, faut pas protéger sa communauté. Je préfère régler tout de manière avec des petits arrangements, même avec d'autres communautés et tout. Il y a pas de problème. Mais les faits sont, si tu ouvres les yeux de manière pas hypocrite, si tu quittes un petit peu la zone de confort, par exemple, qui est l'Occident, hein, qui est plus très confortable, puisqu'on se fait un peu attaquer là, hein, y a des attentats, quoi, on nous livre une guerre asymétrique, eh bien tu te rends compte que oui, la guerre, faut souvent la faire. Même pour les valeurs, celles que tu as. André et Marcel, ils ont fait la guerre contre les nazis, hein, qui partageaient pas leurs valeurs, et ils l'ont fait bien. C'est-à-dire, c'était une guerre de libération, ils l'ont fait en évitant de tuer des innocents, en évitant qu'il y ait des représailles sur la population. Tu vois, ils ont fait une guerre éthique. Et ils ont fait surtout du sabotage, parce que le sabotage, tu tues moins de gens, il y a moins de représailles, et tu es efficace sans tuer des gens. Voilà. Et c'était vraiment génial. Et je compare dans le film avec les méthodes des armées, des militaires. Hein. Les militaires, quand André Marcel voulait détruire une loco, ils entraient dans la gare, ils montaient dans la loco, ils disaient « détache ta loco ». Ils arrivaient en race campagne, ils faisaient descendre tout le monde, ils faisaient péter la loco. Et puis, il serrait la main aux machinaux et leur disait « Salut, à la prochaine ». Les militaires, quand ils voulaient détruire une locomotive, moi, je suis originaire de Tournai, ils bombardaient la gare où il y avait des locomotives. Toute la ville était rasée, il y avait 300 morts. Et des morts, des civils, des femmes, des enfants, tu vois, sous les décombres. Alors la question c'est, est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement? On se dit, bah oui, mais contre les nazis, on ne pouvait pas faire d'omelette sans casser des œufs. Alors on dit, bon, bah, il y a eu plein de civils. Il y a eu 12 000 morts hein, quand même. 12 000 civils tués par l'aviation américaine. On se dit, bah oui, mais on était obligés. Hein. On était vraiment obligés? Pourquoi ils n'ont pas armé correctement tous les maquisards qui, eux, travaillaient proprement? Quand ils détruisent une loco, ils ne butaient pas plein de civils. Pourquoi ils ne les ont pas armés? Ben, ils auraient pu les armer, mais ils ne les ont pas armés parce que, pour ce que je disais tout à l'heure, parce qu'ils se méfiaient des civils et mieux vaut buter plein de civils que d'armer les communistes. Voilà. C'était ça la logique politique des États, quoi, tu vois. Donc voilà, eux, les maquisards, eux, ils travaillaient proprement. Et les militaires, ça ne leur gêne pas de buter 12 000 civils. Donc il faut choisir avec qui, comment tu fais la guerre, tu vois. C'est pour ça que c'est important de s'intéresser à ce phénomène-là. Sinon, au dernier moment, tu vas appeler quoi, les gendarmes ou l'armée, quoi. Au dernier moment. Quand des terroristes ils vont venir chez toi pour t'interdire de te promener nu ou de. Je prends un mauvais exemple hein, parce que je suis pas contre. Moi, je suis pas intolérant, tu vois. Il y a plein de gens de gauche, hein, des Bruxellois qui se croient tolérants pour le multiculturel et tout. Mais dès que la culture d'en face, elle fait un truc qui te déplaît, dès qu'elle coupe la gorge d'une chèvre ou qu'elle empêche les filles de se balader en string, tu vois, de jour et de nuit, c'est le scandale, quoi. Tu vois. Après, je suis pas contre les religions puritaines et tout. Hein, je suis plutôt chivaïque, moi, on va dire. Tu vois, taoïste et chivaïque, quoi. Mais tu remarques que, tu vois, on aime bien les Africains, mais quand ils vivent comme nous, quand ils sont exactement comme nous, la colonisation continue, en fait, tu vois, je veux dire, s'ils sont à 10 dans une pièce à jouer du tam-tam, que sais-je, à bouffer des trucs qui bof, quoi, à buter une chèvre, alors là, non, là, on les aime plus, en fait, on leur dit, oh, écoute, on va t'aider, on va te civiliser, on va te mettre dans nos écoles, hein, et tu vas être comme nous, quoi, tu vas avoir les mêmes fringues et tout, et tu vas manger comme nous, et là, on va t'aimer. Tu vois. Donc c'est le racisme n'est plus biologique, il est culturel, tu vois. Je veux dire, et ça, il faudrait bien de réfléchir les gens de gauche, quoi. Même dans les colonies, hein, les gens bienveillants envers les Africains veulent juste qu'ils les transformaient comme nous, en fait. Tu vois, une négation de leur culture. Comme soi-même, quoi. Comme pareil. Moi, j'accepte que des gens aient d'autres modes de vie qui me déplaisent, qui font des trucs qui me heurtent, mais vraiment, tu acceptes, Benjamin? Ben, c'est pour du blabla là. Non, c'est pour ouais, c'est du blabla. Hein, c'est blabla. Non, mais vraiment, j'accepte. Alors moi, je suis un grand lecteur de Pierre Clastre, par exemple, qui est le premier ethnologue qui a compris les sauvages, qui a dit, c'est pas des gens sous-développés qui attendent d'avoir un état et des gens sous-cultivés. Ils ont une culture très précise, des mécanismes sociopolitiques extrêmement fins, et il les décrit avec finesse, quoi. Lui-même a vécu avec eux, il s'est fait initier par leur mythe, donc il les aimait, il les connaissait, il les a défendus. Et les Indiens, enfin certaines tribus, hein, il y a une grande variété, mais quand même, il y a des traits communs qu'il décrit très bien. Et ces gens, ils bouffaient les autres humains, mais ça rend une culture, pas pour le plaisir, pas dans n'importe quelle condition, c'est extrêmement précis. Ils torturaient leurs ennemis. Ils apprenaient à résister à la torture. Il y a des pratiques comme ça. Ils les jugent pas. Ils disent c'est un mode de fonctionnement. Tu vois, quand il y a un vieux qui était trop vieux, qui pouvait plus nourrir, qui pouvait plus avoir une fonction dans leur groupe, ils l'abandonnaient, etc. Mais le vieux l'acceptait, tout le monde acceptait. Tu vois, je veux dire, le mec qui pouvait plus être guerrier, ben il était déshonoré parce que c'est eux qui nourrissaient la tribu, etc. Il y avait de bref. Donc il y a plein de choses comme ça qui nous heurtent comme oui, ça. Tu veux dire d'autres codes que d'autres cultures, d'autres modes de la culture, c'est d'autres arts de vivre, tu vois. Voilà, moi je veux pas vivre comme ça, mais j'accepte que ça existe. Voilà. Et je veux pas les civiliser. Voilà. Et du coup, là, on part encore dans une autre direction. Mais... C'est pas une autre direction, parce que les gens qui disent « les armes, c'est pas bien », tu vois, les urbains civilisés qui savent pas se cuire un œuf, faire un potager, et ça peut surtout pas se défendre. Et tu dis juste avant que... Deux tards dans la gueule, ils appellent la police. Benjamin, donc, tu dis juste avant que tu es très... que tu acceptes la différence, tu dois accepter aussi ces gauchos attardés, oui, comme tu oui, dis. Mais eux, ils vont empêcher que les autres aient des armes. Eux, ils vont empêcher que tu tues une bête. Alors que ici, vu de point de vue de pêche du village, où tes voisins, ils tuent des animaux depuis 30 générations, mais en préservant l'espèce, ils prélèvent dans un cadre culturel, à Pâques c'est un sanglier, à la Noël c'est une antilope. Alors les super gens de la Bible, ah oui mais là, c'est catholique, et c'est tuer des animaux, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'ils bouffent? Va voir les conditions de production du soja, de leur tofu. C'est scandaleux, quoi. C'est des esclaves sur les brûlis de la forêt amazonienne. Donc leur mode de vie est fondamentalement dégueulasse, mais ils vont faire des grands yeux moralisateurs à des gens qui, eux, se débrouillent beaucoup mieux qu'eux, quoi. Tu vois, je veux dire. Donc, c'est ça. Donc, il y a une intolérance de ces gens-là. Elle est monstrueuse. Mais comme on baigne dans une évidence comme ça, dans la petite zone de confort, eh ben, on croit qu'on a raison. Voilà. Donc là, contre les intolérants, je suis intolérant, évidemment. Écoute, c'est génial, ça fait réfléchir en tout cas tout ça. Et oui, ça a le mérite de faire réfléchir tout ça, que c'est pas comme ça, c'est pas bien, ne le faisons pas. Mais ça met, voilà, moi je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant d'aller voir plus loin, voilà. Tu vois, ce qui est dur, c'est de voir les idéologies de ton époque. Tu vois, dans les années 50, personne en Belgique critiquait la colonisation. Personne. Trois agités extrémistes, les dadaïstes, c'est les premiers qui ont dit que l'art africain c'était bien. Tu vois, c'est les premiers. Mais les dadaïstes étaient les plus scandaleux de leur époque, quoi. Et un peu de communistes et un peu de surréalistes qui distribuaient des tracts aux expos universels. Mais tout le reste disait, c'est comme la Corse pour un Français, quoi. Tu vois, c'est quoi, on va faire sa vie là-bas. Oui, il y a des paysans pauvres, mais bon, je les engage, pas cher, mais ils sont contents, ils sont bien payés quand même. C'était comme ça. Alors si t'as pas le courage de, tu vois, je veux dire, avoir le courage de critiquer les idéologies de notre époque, c'était comme critiquer la colonisation. Aujourd'hui, tout le monde dit, ah, c'est pas bien la colonisation, hein, tout en maintenant, par ailleurs, les schémas qu'on est quand même une civilisation supérieure, tu vois, donc en plus, c'est pas fini. Mais voilà, quand tu critiques les trucs d'une époque, c'est très désagréable, tu vois. Moi, j'ai pas peur d'être désagréable, ça me gêne pas, tu vois. Bah, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir, Benjamin. Tu dégages avec ta sale moto, elle est moche. Il y a personne qui doit savoir ça. Il y a personne qui doit savoir. Que ta moto, elle est moche. Ouais, pourtant, enfin, on te l'a jamais dit. Un mot de fin, mais je sais que là, tu as déjà quelque part dit, mais sur tout ça, sur toute cette discussion, je trouve que les mots que tu viens de dire sont super importants en même temps. C'est vrai, pouvoir critiquer l'époque dans laquelle nous sommes. Faut toujours penser, quoi. Faut pas d'idéologie, quoi. Le problème, c'est que, par exemple, la non-violence, c'est une idéologie qui a l'air de rien. Parce que tu vois, ça a l'air inoffensif, par excès. Mais ça désarme les gens, quoi. Ça les rend plus faibles. Et quand il y a un conflit. Plus soumis, du coup. Hein. Plus, ben oui. On mais c'est vrai. Entendu, mais... Ben c'est vrai. Plus soumis, quoi, du coup. Mais oui, bien sûr. L'ouvrage de référence du groupe de Marcel Franckson, là, de l'ULB, c'était l'ouvrage de la Boétie. De la soumission volontaire, quoi. Voilà. Ils m'ont raconté un truc intéressant, les maquisards, c'est que dans les années 30, il y a eu une recension des armes au début des années 30, parce que pas mal de gens avaient gardé des armes de la Première Guerre mondiale. Deux ans après, il y a une interdiction des armes. Et alors, les pauvres naïfs qui ont été dire qu'ils avaient des armes, on vient de la chercher chez eux. Plus d'armes. Quelques années après, il y a un état totalitaire qui se met en place et qui t'envahit. Et là, comment tu te défends? Parce que t'as pas d'armes contre les nazis, t'es peu de choses. Hein. Donc, heureusement, chez Marcel, il y avait une culture dans la famille où ils utilisaient les armes. Mais dans un cadre familial tout à fait contrôlé, tu vois, c'était pas dangereux. Donc eux, ils savaient utiliser les armes. Il y a des mecs, des anciens débrayés internationaux qui savaient utiliser les armes. C'est comme ça qu'André a fait ses premiers pas dans Résistance. Et la politicienne qui déteste le plus, c'est Laurette Onkelings. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle a refait une interdiction des armes il y a 4-5 ans, ici chez nous. Et vraiment tellement poussée qu'elle a dû revenir en arrière. Moi, quand un ministre fait ça, pour moi, dans ma tête, c'est « je vérifie si le peuple est bien désarmé ». Quand tu dis vraiment pousser, qu'elle a dû retourner en arrière, quoi, elle s'est confrontée à des gens qui ont dit contre. Oui, non, c'est parce que même les armes de collection, mais genre le tromblon du 18e siècle, c'était interdit. Et là, c'était vraiment exagéré parce que, tu vois, il y a une frange de gens qui collectionnent les armes, qui sont même s'il y avait une guerre civile, ils sortiraient même pas de ces armes. Enfin, ça empiétait même chez les collectionneurs ou des trucs comme ça. C'était vraiment démentiel, quoi, comme loi. Donc, ils sont un peu revenus en arrière, mais quand même, ils ont désarmé tout le monde. Donc, j'ai des amis de mes parents, des gens de gauche, pacifiques, comme c'est tout, qui ont été remettre l'arme qu'ils avaient héritée de leur père à la police. Un an après, qu'est-ce qu'on lisait dans le métro et dans la presse ? Trafic d'armes chez les policiers. Voilà. Donc pour aller donner ces armes aux flics, y a des flics, enfin tu vois, faut voir, hein, les flics en situation, des mecs très bien, hein, dans la résistance, il y avait des gendarmes, dans la lutte contre le barrage, les policiers locaux étaient du côté de, étaient pour la vallée, parce qu'ils l'aiment bien, ils vont faire leur bois dans la vallée. Donc tu vois, j'essentialise pas les choses, hein, tu vois, je veux dire, les gens changent en situation, mais quand même aller donner, tu vois, ces armes au gouvernement qui fait plein de lois qui te déplaisent, faut vraiment avoir beaucoup de tofu non violent sur les yeux, quoi, hein, pour être devant les yeux, quoi, pour pas voir les choses, quoi. Donc c'est les idéologies, ça t'empêche de voir les réalités. Beaucoup de tofu dans les yeux, ok, pas mal l'image. bon, Benjamin. De la merde dans les yeux, mais c'est de la merde le tofu. Hein. Vraiment, je sais pas pourquoi les gens mangent ça. Hein. C'est vraiment la non-bouffe par excellence. Hein. C'est vraiment c'est du démentiel quoi. Et les conditions de production, allez voir. Faut remonter les, toujours remonter le circuit de production. C'est toujours intéressant. Tu remontes le circuit de production d'une éolienne, tu te rends compte que c'est un désastre environnemental quoi. Donc les éoliennes, bon exemple ça. Ça c'est un bon exercice critique les éoliennes. Parce que ça a l'air plutôt bien de loin. Ça se dit c'est du vent, ça, c'est quand même moins polluant que le nucléaire. Mais c'est moins pire que le nucléaire, c'est un super argument, parce que tout est pire que le nucléaire, enfin tout est moins pire que le nucléaire, parce que le nucléaire c'est le pire, donc c'est, ça n'a aucune valeur comme argument. Mais donc les éoliennes, ça contient des aimants avec énormément de terres rares, mais des tonnes de terres rares. Les conditions d'exploitation des terres rares, c'est un désastre écologique et social démentiel. Et la ville du cancer en Sibérie, c'est une ville où produisent les terres rares. Voilà. Les smartphones, c'est le même désastre. Enfin, de toute façon, tout ce que propose cette société est un désastre. C'est pour ça qu'il faut chercher ailleurs, évidemment. Notre-Dame-des-Landes, c'était une bonne une vraie alternative. Des architectes ont fait des tribunes pour dire « Là, c'est de l'habitat écologique, fait avec de la récup. » En plus, ça, c'est vraiment singulier, les gens ils font leur cabane à leur image. Ça, c'est génial, c'est une vraie alternative. Je demande, on se demande pourquoi on ne faut pas chercher loin, pourquoi c'est rasé, quoi, tu vois. Pourquoi ils veulent rétablir les normes de la société là-bas, quoi. Bon ben merci Benjamin, ça donne envie d'aller voir plus loin. Pour ceux qui ne te connaissent pas, aller voir ces films, quoi, ça vaut la peine. Enfin voilà, chouette portrait. Merci à toi Benjamin. Ouais, merci. Ben merci à toi Gabriel.